De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bienvenue sur Fadjet et voici votre rendez-vous hebdomadaire de l'huile dans les rouages présenté par Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Ça va ? Ça va bien et toi ? Bah ça va, même si on n'est pas trop d'accord sur notre destination de vacances. C'est ça. Hein ? Pour ceux qui étaient la semaine dernière, voilà. Noémie veut partir à la montagne, moi à la mer. Voilà. Et voilà, ça crée des conflits et on essaye d'en parler avec toi. Exemple de conflit, un désaccord sur le lieu de vacances. Voilà. Donc la semaine dernière, on a parlé de deux options. Je t'impose ma solution. Oui. Avec ses avantages et ses inconvénients. La deuxième, je cède, on prend ta solution. Donc, j'ai donné l'image d'animaux. Si j'impose la solution, je suis un peu un lion. Oui. Si je cède, ben, je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est un caméléon, hein, celui qui prend la couleur. Et puis là, je propose d'explorer deux ou trois autres postures possibles. Alors, tu commences par quoi ? Alors, je vais commencer par le pire, entre guillemets. Le plus désagréable. C'est on ne va pas en vacances. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Enfin, en tout cas, on ne va pas en vacances ensemble cette année. On laisse au point mort. Cette posture-là, c'est celle de la tortue. C'est celle du repli. Je l'ai présentée comme la pire, mais elle a aussi ses intérêts. C'est-à-dire que des fois, c'est intéressant de mettre de côté le problème pour redescendre. Si par exemple, il y a des émotions trop fortes, il faut l'accepter. Si aussi, je n'ai pas beaucoup de pouvoir sur la situation. Par exemple, si j'ai un chef avec une structure hiérarchique, c'est OK que je ne vais pas continuer à blablater pendant des heures et des heures. Il y a une partie, je ne peux pas agir dessus. Et aussi, quand on a besoin de temps, de recul, de distance. Donc là, c'est l'idée de partir pour mieux revenir. Et c'est pareil que les deux autres. Le problème, c'est quand on la répète, en fait. C'est que c'est adapté quand on sait dire, écoute, là, stop, ça monte trop entre nous dans notre discussion. On en reparle la semaine prochaine. Le désavantage, c'est le côté figé, le côté stagnation. Donc, il y a quand même des solutions. Voilà. Oui. Toi, tu veux aller à la montagne, moi à la mer. Alors, on peut se mettre d'accord sur notre destination. Alors, il y a les deux solutions, entre guillemets, du dauphin. C'est-à-dire qu'on peut faire un compromis et chacun céder à un bout de terrain. Donc, on peut dire, la première semaine, on va à la montagne et la deuxième à la mer. Chacun a un petit peu et chacun a lâché un petit peu. Ce qui s'appelle le compromis et ce qui est souvent présenté comme la meilleure de solutions. C'est vrai que c'est très intéressant le compromis parce que chacun a une partie, a gagné une partie, mais ça nécessite du temps de dialogue et ça nécessite d'être très clair avec soi-même, ce qu'on veut, ce qu'on priorise. Mais il y a encore mieux. Vas-y, dis-nous tout. C'est quand on est dans le 100% chacun. Donc imaginons qu'on a trouvé un lieu où on est à même distance de la mer et de la montagne. Ça doit exister quelque part dans le monde. On va se retrouver en Corse, je crois. Voilà, peut-être. Ça peut me plaire. Et donc ça, c'est vraiment le top du top, c'est la créativité ensemble. Et ça nécessite encore plus de temps que le compromis. Des fois, le compromis, ça nécessite de discuter, mais ça peut être rapide. Écoute, je lâche ça, tu lâches ça, on peut y arriver. Mais arriver à 100% gagnant des deux côtés, ça demande du temps, ça demande de la sincérité. De l'écoute. Et qu'avec soi-même, on soit très, très clair. Parce que des fois, on peut tomber dans une situation où on croit qu'on est OK. Et quand on n'est pas bien connecté à soi, c'est pas OK, en fait, un peu plus tard. Donc, ça demande des très, très bonnes conditions aussi. Ce qui est important pour moi dans le fait de vous présenter ces postures, c'est de ne pas diaboliser le fait que quand j'impose ma solution, ni quand je suis en retrait, et de ne pas survaloriser le compromis. C'est l'idée que selon les circonstances, selon les cartes que j'ai en main, selon le contexte, c'est plus judicieux d'aller dans un endroit ou dans un autre. Et surtout, ce qui est judicieux, c'est d'alterner, de ne pas s'enfermer dans une des postures. Là, on l'a transposé dans les départs en vacances, ça peut être transposé dans l'entreprise, dans la famille avec ses enfants, le tout ça. Couple, je fais trop souvent des compromis dans mon couple, je vais accumuler des tensions et des frustrations, et puis ça va nuire au couple. Et on n'a pas toujours le temps non plus d'être dans la grosse négociation du 100% gagnant. Des fois, il faut vite décider quelque chose. Et si je suis la personne la plus compétente en bricolage, c'est moi qui vais décider dans quel ordre on va faire quoi, parce que j'ai plus la compétence. Donc tout ça, c'est en ayant les cartes en main, c'est OK de céder à certains moments, c'est OK d'imposer à certains moments, c'est OK d'être en retrait si je suis trop fatiguée là, il ne faut pas qu'on en parle parce que je vais m'énerver. Et c'est OK, quand on a les bonnes circonstances, d'essayer de construire ensemble une solution. Eh bien, merci beaucoup Noémie. Merci à toi Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.